Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Je t'ai haï, je t'ai laissé aimer d'autres que moi, un peu plus loin qu'ici. Mon ange, je t'ai trahi tant de nuits habitées que mon cœur a cessé de me donner la vie. Si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi. Des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristesses surannées, des malheurs qu'on des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis. Mon ange, t'es puni, attends me sacrifier, icône idolâtrée, immondice à la nuit. Mon ange, t'es haï, je t'ai c'est tué, nos jeunesses débauchées, le reste de nos vies. Si loin de moi, si loin de moi. Des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristesses surannées, des malheurs qu'on oublie, des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis. Ce soir, votre Radio Le Zinc sur la très locale RVR ne va pas faire dans la nouveauté, mais plutôt dans le sûr, dans le compétent, dans le certain, comme tout de suite, avec la référence à l'homme chauve-souris par Alexis HK. Il n'avait pas la stature suprême pour devenir le chevalier. Il avait là la stature d'un M et deviendrait le valet de pied du chevalier. Les bonnes fées, le jour de son baptême, votèrent à l'unanimité. Il aurait tous les talents d'un deuxième, un second couteau planté dans la plaie du premier. Et sa pauvre mère qui pleurait de désespoir, et son pauvre père qui rejetait ce rejeton sans gloire. Chaud sous sa cotte de maille, un double poney, c'est déjà trop haut pour sa taille. Caché sous son home, fait le mort derrière la muraille. Attend tranquillement la fin de la bataille. Esquiver les coups de masse d'armes aiguisées sur le crâne. Un soldat du roi ne vaut pas beaucoup mieux qu'un âne. Allez vous faire éviscérer sans pitié par un inconnu pour défendre un royaume de seigneur parvenu. Que celui qui n'a pas l'étoffe intrépide se retranche dans la lâcheté morbide, en regardant le feu dévorer les arbres, en laissant s'entretuer les enfants macabres. Quand dès l'aube les cornes de la guerre sonnent, la terre sauvage se gorge du sang des hommes. La toge du sage laisse place à l'uniforme, l'ordre barbare redevient la norme. Et si tu n'as pas la stature suprême pour devenir le chevalier, si tu as la stature d'un aime, tu deviendras le valet de pied du chevalier. Quand se sont apaisés les feux de la mitraille, quand les cadavres obscènes exhibent leurs entrailles, comme un revenant qui n'a pas l'ombre d'un remords et soulage les bouches de leurs molaires en or. Ton totem est une hyène quand la misère te mord. La fierté, un critère que la survie ignore. Trahir est un devoir de maître d'école pour le crevard sans gloire qui dépouille les morts. Il n'avait pas la stature suprême pour devenir le chevalier. Alors pour bien achever le blasphème, alla faire l'amour à la femme du chevalier. Wapitam pam papoué, c'est pam pam pam pam papoué. Wapitam pam papoué, c'est pam pam pam pam papoué. Je porte à l'auriculaire une chevalière 1.4 carat, large comme ma face. Dit que je prends des airs, je fais des manières, mais quand je donne ma main, tu l'embrasses. Quand mes fesses plissées s'enfoncent dans le cuir, mon pouvoir est bien en place et je lâche pour moi-même un sourire. Aussi loin que me ramènent mes souvenirs sur terre, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Un affranchi, c'est tout réfléchi. Et je remercie Martin Scorsese et Joe Pesci. Nous célébrons toute votre classe éternelle lors de nos joutes au petit vin blanc sous les tonnelles. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam pam papoué. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam. Les familles du milieu, les règles sont strictes et chacune a son territoire de jeu. Inutile pour un chanteur à fond de noisilles secs de vouloir faire la nique aux voix surpuissantes du Québec. Un jour un frimeur de Passy se mit à faire du ragga dub style. Des gars de Saint-Denis sont venus chez lui et l'ont criblé de balles vocales. Inutile

Derrière lui, le bruit et la terreur de 10 000 ans d'histoire et de connards remplis de fureur. Ce soir, Radio Le Zinc est bien sombre, pourtant je vous l'assure, tout va bien. Mais n'oublions pas que tout reste toujours très fragile.

Les sentiments s'enchaînent et on dira je t'aime au suivant. Oser dans la prose, c'est souvent la même rose qu'on tend. On s'en vante en cachette, qu'on s'achète, on se vend. Je consomme, tu consommes de l'amour éphémère qui laisse un goût amer dans le cœur des hommes. Je consomme, tu consommes, il suffirait qu'on s'aime pour consumer les peines des cons que nous sommes. Je consomme, tu consommes de l'amour éphémère qui laisse un goût amer dans le cœur des hommes. Je consomme, tu consommes, il suffirait qu'on s'aime pour consumer les peines des cons que nous sommes. Il suffirait qu'on s'aime. Il suffirait qu'on s'aime. Il suffirait qu'on s'aime pour que tous nos problèmes s'évanouissent en somme. Radio Le Zinc fait ce soir dans l'artiste, auteur, voire conteur. Et après Arnold, voici le fils du Jacques. Arthur H. parle à son hologramme. Oh ma chérie adorée, souviens-toi de ces mots bleus qui parfois descendaient le long de ta colonne qui vibrait dans ton bassin, dans tes reins, dans tes mains. Tu fermais les yeux pour mieux ressentir ces caresses invisibles, ce son de l'au-delà. Oh ma chérie adorée, souviens-toi ces mots bleus qui parfois descendaient. Ne serai plus là, ne m'oublie pas. Oh, ne m'oublie pas, pense à moi. Quand je ne serai plus là, ne m'oublie pas. Oh ma chérie adorée, souviens-toi, lorsqu'à gorge déployée, tu t'esclaffais. Quand nous faisions l'amour en pleine journée, au début, je pensais que tu te moquais. Ce n'était que la joie qui te possédait. Oh, rivière d'eau claire qui nous emportait. Ce n'était que le rire qui résonnait. Oh, rivière d'eau claire où l'on se noyait. Oh, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Je ne serai plus là, ne m'oublie pas. Oh, ne m'oublie pas, pense à moi. Quand je ne serai plus là, ne m'oublie pas. Oh, hologramme qui boit peu se désintègre. Imagine mes mots descendre et monter comme autrefois le long de ta colonne. Referme les yeux pour mieux ressentir ces caresses invisibles, ce son de l'au-delà. Commence à s'effacer. Oh, hologramme qui peu à peu se désintègre. Ne m'oublie pas. et à presque 17h32. Et comme tous les jeudis, à partir de 17h au 104.6, vous écoutez Radio Le Zinc. Je suis tellement jeune et belle, avec les cheveux longs. Tous les délires m'appartiennent, et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain. La belle et grande aventure. Alors je monte le son. Alors je monte le son. Et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Je m'isole. Je cherche quelque chose. À force d'user les mots sur toutes les portes closes, je me suis acheté un sourire. Aston Villa, qui dans la fin des années 90 a failli devenir une référence du rock français, mais sans doute par manque de réseau ou par fausse route, restera un souffle ou un espoir que Radio Le Zinc n'oubliera jamais. rose, un vertige, une rivière. Je peux vivre de pas grand chose, heureux comme un poisson dans l'eau, heureux comme un poisson dans l'eau. Enlève, j'enlève. Alors si Aston Villa n'a pu atteindre les sommets du rock, peut-être devons-nous miser sur le duo rock de Bandy Bandy. À voir. Je ne veux pas cette poudre bleue. Je ne joue plus au même jeu. L'air est immense, on se... Les horloges dansent sans substance. Les endorphines filent. Je m'endors dans ces draps d'or et j'imagine cette fille me jetant. Dans

lancer dans la danse et de nous prendre par les hanches sans que jamais le cœur ne flanche. Nous pouvons rire, nous pouvons boire, aller tout au bout de l'histoire. Encore déchiffrer nos visages, laisser couler le maquillage. On s'empiffrera de baisers, même si le temps nous est compté. Comme les étoiles meurent en silence, comme les choses sans importance. Donnez-nous encore une chance de retrouver les pas de danse et de nous sourire à nos hanches, de lancer des œillades franches. Même si nos vies sont minuscules, qu'elles nous chahutent, qu'elles nous bousculent, il y a encore ta lumière qui me sert de point de repère. Nous avancerons ensemble, on se connaît, on se ressemble. Un bout de toi, un bout de moi, qui voleront en mille éclats. Donnez-nous encore une chance de nous relancer dans la danse et de nous prendre par les hanches sans que jamais le cœur ne flanche, et de nous sourire à nos hanches sans que jamais le cœur ne flanche. Et voilà, un Radio Lausanne qui se termine, et voilà, chanté par Couturier à présent, et voilà, je vous dis à présent, bis à messieurs, et bis à mesdames. J'imagine le sang qui coule de tes veines, mais ça ne me rend pas la peine que j'éprouve le long des contrées. Tu m'as si souvent blessé, je sublime les mots dont tu m'as privé. Quand j'ai tant voulu crier, trop d'images délaissées à nos déboires oubliés. Et voilà, je ne pense plus qu'à toi, mais quand je sors, c'est là que je respire. J'ai longtemps entendu ta voix, je tentais, j'avançais, j'y mettais des sourires. Et voilà, je qu'à toi, mais quand je sors, c'est là que je respire. J'ai longtemps entendu ta voix, je tentais, j'approchais, j'y mettais des sourires. Je devine le sens des actes manqués, tout en étant partagé. Quel était ce goût si charnel qui m'a si souvent troublé. J'imagine qu'on est sage quand on a des remords. Décidé, je quitte le bord, là où le vent souffle encore. Et voilà, je ne pense plus qu'à toi, mais quand je sors, c'est là que je respire. J'ai longtemps entendu ta voix, je tentais, j'avançais, j'y mettais des sourires. Et voilà, je ne pense plus qu'à toi, mais quand je sors, c'est là que je respire. J'ai longtemps entendu ta voix, je tentais, j'avançais, j'y mettais des sourires.